amateur. C'est ça que fait me chercher qu'on ait fait tout fleur la note. J'ai un petit bébé qui caressant et puis l'amusant. J'ai mis l'une dite à côté. J'ai dit chérie m'a mouri. Moi dis mais non chérie, c'est pas mourir, c'est plutôt dormir. J'ai mis l'une dite à côté. J'ai dit chérie m'a mouri. Moi dis mais non chérie, c'est pas mourir, c'est plutôt dormir. Monsieur David Couté, tout l'autre cause moi pour le raconter plus douce. C'était un dimanche soir, nos lieux perdus nous t'aient endormi. Là nous réveiller, bébé y a tombé crié. Il dit mais non chérie, c'est pas parler, c'est pour débrouiller. Là nous réveiller, bébé y a tombé crié. Il dit mais non chérie, c'est pas parler, c'est pour débrouiller. C'est pas long, c'est pas long.